Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, musique populaire, une épopée française. Une série de Péroline Barbet réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a l'été qui vient avec la fête de la musique et les groupes d'amateurs qui occupent le pavé ce soir-là. Mais il y a aussi le souhait de faire revivre des vieux airs qu'on aurait pu oublier et l'envie de savoir les chemins qu'ils ont pris et aussi ce que les premiers collecteurs avaient derrière la tête. Alors pour commencer, les personnages. Un homme porté par ses souvenirs, un historien qui remonte le fil, un collecteur naturaliste, son fils ethnologue, la fille d'un folkloriste, Georges-Henri Rivière, une chercheuse qui recueille le paramusical et deux autres en quête d'oralité. Ensuite, le décor. L'après-guerre, des danses, des chansons, les années 30, le rêve d'une culture populaire, le front du même nom, un train, 1500 villages, une enquête à vélo, des tubes qui voyagent, la Clairefontaine, un esprit scientifique, un musée, le CNRS, la guerre, des compromis opportunistes, l'ethnologie et les balles. Aujourd'hui, premier épisode, on va au battage. 47, le camp d'Adiscombe. Quand on est arrivé là-bas, on a fait les battages. On était en vélo, j'avais mon petit vélo déjà. Les gens étaient en plein battage. Les vélos, on prend une fourche. Mon père prend une fourche, j'en prends une aussi. Et on va au battage. Ma mère rejoint les femmes à l'ensachage. C'était de la batteuse bruyante. Les jours suivants, on a fait les battages dans toutes les fermes du village. C'est comme ça que ça se passe. Et bien entendu, pendant tout ce temps-là, on a expliqué pourquoi on venait. Les gens avaient envie de le savoir et nous, on avait besoin de le dire aussi. On leur expliquait, on s'intéresse à, etc. Alors, ils ont commencé à chanter. Vas-y, chante. Toi qui as une voix, toi, tu sais chanter. Alors, vas-y, chante quelque chose. Et alors, Lou, il me chante, nous chante. Le flot verse un écueil douceur et moi, je songe à mon bonheur. Mon cœur est avec toi, je t'en prie, réponds-moi. Rien ne remplace le temps qui passe. Alors, on a eu droit à ça. Puis on a eu droit à Dolly, oh ma Dolly chérie, Bilbao, ton vieux port. Nous irons tous les deux naviguer sur les flots bleus. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la-moi. Et Riquita, jolie fleur de Java. On a eu tout ça. Quand on est revenu avec un magnétophone, même chose, les mecs nous chantent ça. Et mon père leur demande, vous pouvez chanter quelque chose en breton aussi? Alors un des types monte le magnétophone, il dit, parce qu'il comprend le breton aussi. Oui. Et là, il commence à chanter. Et c'était des souvenirs, c'était déjà loin. Sauf des jeunes qui avaient découvert ça dans les bals clandestins sous l'occupation allemande. Tino Rossi. Et les gens ne savaient pas, ils découvraient que tel autre chantait. Et à mon père, vous avez vu, lui aussi connaît ça, dis donc. Ils découvraient ça, ils redécouvraient leur culture, parce qu'elle avait disparu, à travers des gens qui en avaient des souvenirs isolés. Et le dernier jour des battages, donc, l'année où on est venu avec un magnétophone à fil, en 49, pour enregistrer, on ne pouvait pas enregistrer, il n'y avait pas d'électricité. On s'éclairait à la lampe à pétrole, on prenait l'eau au puits ou à la fontaine. C'était un monde qui était quand même très très différent d'aujourd'hui. On dormait dans des lits clos, tout le monde dormait dans des lits clos, chaque ferme faisait son cidre, etc. Bon, on ne pouvait pas enregistrer, il n'y avait pas d'électricité. Ah oui, mais il y avait l'électricité au bourg, à Scrignac, chez Emilienne, au bistrot. Mais c'était à 7 km. Tous les gens de plusieurs villages, puisque plusieurs villages allaient faire les battages dans chaque ferme, ils sont tous allés à pied 7 km jusqu'au bistrot pour chanter pour nous, quoi. Des souvenirs comme ça, ça vous marque quand même. Alors, si on me dit, est-ce que je suis pas une nostalgique? Oui et non. Mais là, oui, quand même. Musique populaire sous influence. Du folklore à l'ethnologie, par Péroline Barbet et Nathalie Battus. Type, il vous chante. Hé, la, lé, la, la, lé, la, lé, la, lé, la, lé, lo. Il n'y a pas mis de parole, hein. À ce moment-là, entre des voisins. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben c'est les gens qui viennent de la ville, ils s'intéressent à la chanson. Alors chantez un ton là. Attends. Ah ben dis donc, puisque ah ben, si on est là, on est nombreux, on va danser. Et alors le type reprend le ton et on danse. Mais le ton, il est devenu. C'est plus du tout le même rythme, c'est plus le même air, quoi. Non, un ton, ce que j'appelle en breton, une tonne. Tonne se traduit par mélodie en français. Tonne veut dire mélodie. Mais oui, mais pour eux, la mélodie, c'est pas un air fixé. C'est une idée mélodique. Ouais. Il y en a un autre. Il chante un très beau ton double à mon père. Et mon père lui dit, oui, mais celui-là, vous me l'avez chanté déjà l'année dernière. Et il lui répond, oui, mais je l'ai changé depuis. La première fois que j'ai entendu un chant occitan, c'était il y a une vingtaine d'années à Marseille. Un groupe de femmes animait un repas de quartier en fin d'après-midi. Elles chantaient à pleine voix, a cappella. Elles avaient l'air d'aimer ça. C'était beau. J'ai d'abord cru que c'était un chant africain. Cette énergie brute, cette langue inconnue, c'était pas d'ici. J'ignorais alors tout des musiques traditionnelles du domaine français. Derrière ce chant, j'ai appris par la suite qu'il y avait des recueils et des archives sonores, des collecteurs et des collectés, un réseau important d'associations et de passionnés, qu'il y avait des chanteurs et des musiciens qui s'inspirent de ces musiques et qui les font vivre. J'ai appris que les musiques traditionnelles n'étaient pas qu'un truc exotique et lointain qui n'appartient qu'aux autres, et qu'il existait ici aussi, en France, une scène musicale vivante, intéressante. Qu'il y avait une longue histoire de ces anciennes musiques populaires, une histoire parfois houleuse, nébuleuse. Remonter cette longue route, c'est renouer avec des idées et des expériences qui ont poussé sur le terreau d'importants mouvements intellectuels et artistiques. C'est tenter de comprendre aussi pourquoi ces musiques sont si méconnues, font l'objet de clichés tenaces, de représentations réductrices. Nous prendrons cette histoire à la fin des années 30. L'intérêt pour les musiques populaires a commencé déjà il y a bien longtemps, avec le mouvement romantique, George Sand et Nerval. Mais à la fin des années 30, l'apparition de l'enregistrement sonore vient changer la donne. Et puis il y a dans l'air un intérêt des élites, un intérêt politique aussi. La période troublée qui va du Front populaire à la Libération est une période déterminante qui cristallise bien des ambivalences. François Ganneau, historien. C'est une époque de, je dirais, de redécouverte, avec un grand intérêt émanant d'un peu tous les milieux, à la fois politiques, culturels, intellectuels, pour les cultures populaires de la ruralité. C'est un peu difficile d'en capter les raisons, d'abord parce que les facteurs sont multiples, hein, mais il y a vraiment cette manière d'engouement. Je pense qu'il y a une figure littéraire qui est Jean Giono. Jean Giono, il commence à publier ses romans qui se déroulent dans la Haute-Provence ultra-paysanne au début des années 30. Et il crée une espèce de lieu qu'il appelle le Contadour, où de jeunes urbains viennent se ressourcer avec un discours qui est, on va dire, écolo avant la lettre, hein, très très très largement. C'est aussi une époque où, par exemple, dans la vie musicale savante, il y a un compositeur qui est Béla Bartok, qu'on commence à jouer à Paris. Il y a un autre compositeur qui lui est roumain, qui est pratiquement francisé, qui s'appelle Georges Enescu. Mais Georges Enescu aussi, il a beaucoup enquêté sur la chanson populaire de son pays, la Roumanie. Et puis, il y a quelques compositeurs français qui commencent à percer, comme par exemple Joseph Canteloube, qui lui aussi prétend trouver son inspiration dans les chants traditionnels. Mais il n'y a pas que lui, hein, il y a Maurice Duhamel, il y en a beaucoup d'autres. Donc je dirais, il y a dans les milieux culturels, dans les milieux littéraires, et bien sûr aussi dans les milieux politiques, un intérêt pour ce qui, de toute façon, reste encore le socle de la société française, c'est-à-dire la civilisation paysanne. Ce sont aussi les années où le Front populaire se constitue. Donc il y a globalement un mouvement d'intérêt pour la culture du ou des peuples, peuple paysan, peuple ouvrier, et je dirais un peu greffant sur le tout, il y a une ambition pédagogique très très importante qui se déploie dans ces années-là. C'est ce qu'on appelle le mouvement de l'éducation nouvelle et qui consiste à dire qu'il est indispensable que nous forgions une nouvelle génération où le corps est pris en compte au même titre que l'esprit. Il y a donc une attention qui n'existait pas avant pour des pratiques comme le chant choral et pour la danse. C'est la grande mode des chansons russes. Pleine, ma pleine. C'était la grande époque des chansons dites suisses. Le comte de Gruyère, un beau matin, s'est levé, etc. Des tas de trucs bidons qui circulaient, des tas de chansons fabriquées, ça avait un succès fou. Et puis d'authentiques chansons folkloriques, tout ça circulait. Parce que ça nous venait d'une culture populaire. Eh bien, nous, on va refabriquer une culture populaire. Et cette culture populaire, c'est celle de demain, qui va mélanger les intellectuels, les ouvriers, les artisans, tout ça, communiant dans une seule et même culture. Et mon père y a cru aussi. L'histoire de Jean-Michel Guilcher nous est racontée par son fils, Yvon. Immergé dans les courants pédagogiques innovants de l'époque, c'est d'abord comme formateur que le jeune Jean-Michel Guilcher se saisit de la question des danses et musiques, avant de devenir un ethnologue spécialiste des danses populaires. Mon père, lui, sortait de ses études de naturaliste, où il était coturne au Quartier Latin avec un certain Jean-Marie Serrault, qui lui faisait des études d'architecture, mais qui a consacré toute sa vie au théâtre. C'est le père de Colline Serrault. Ça, c'est le Front Populaire. C'est le Front Populaire. Et ça a eu un tel succès que le ministre Léo Lagrange a donné à mon père et à Jean-Marie Serrault un train gratuit sur toutes les lignes de l'Hexagone pour aller où il voulait, pourvu que ce soit pour porter la bonne parole. Un train. Alors mon père et Jean-Marie ont été estampillés, donc, porteurs du Front Populaire. Culture chansonnière, théâtrale et chorégraphique du Front Populaire, quoi. Ce serait l'art sans la création populaire, sans le consentement populaire. Ce serait une ville d'art sans l'artisan de jadis auquel elle doit le meilleur de son charme. La cathédrale est le livre du peuple, suivant le mot de Hugo. Plus encore, la musique est l'art démocratique par excellence, car les chansons de métier dont les auteurs nous restent inconnus ont puissamment traduit la peine du pauvre laboureur. Mais qui les connaîtrait sans le peuple qui s'est reconnu en elles, qui les a adoptées pour les transmettre de père en fils jusqu'à nos oreilles. Mon père était quelqu'un qui aimait danser. Et c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme. Il était breton, il y avait un groupe breton à Paris, là, les Corollarian Brazizel, il y a été. On dansait n'importe quoi, sans aucun contrôle, sans aucun savoir. Les gens disaient, moi je tiens ça de ma grand-mère. On peut imaginer que, etc. Enfin bref. Alors, mon père était pas totalement satisfait par cette pratique de la danse, mais enfin au moins on dansait. Et là, il a été confronté au discours des Archives internationales de la danse, les AID, à savoir que la danse remonte au paléolithique et que c'est d'anciens rituels magiques. Et il l'a cru. Mon père a été d'abord un jeune danseur qui a dit beaucoup de bêtises, parce que c'était les bêtises qui circulaient. Tout le monde disait ça. Il l'a cru. Il a même écrit des conneries là-dessus. Et puis, c'est la rencontre d'historiens qui l'ont fait tiquer pour la première fois. Des gens qui lui ont dit « C'est quand même extraordinaire que la danse soit le seul domaine qui aurait échappé à l'histoire. L'histoire, ça existe. Il n'est pas pensable que tout ça témoigne du paléolithique. » Donc, les historiens lui ont quand même flanqué un vieux coup. Et il a décidé d'aller voir en Bretagne, puisqu'il était de là-bas. Sa mère était institutrice dans un village. Il commence cette enquête en 45, la libération. Et moi, il m'y a emmené en 47. J'avais 6 ans, je suis né en 41. Donc, j'étais sur le porte-bagages. Il a commencé donc à interroger 3 générations, puis après une autre famille, puis d'autres gens, puis on allait dans le village d'après. Et au total, ça l'a emmené beaucoup plus loin que prévu, puisqu'il a fait 375 communes, c'est-à-dire 1500 villages à peu près. Ils ont commencé à pied, puis on a continué en vélo, puis j'ai eu mon petit vélo, puis on a acheté une voiture, etc. Bref, et c'est cette enquête qui l'a fait se détacher des premières questions qui se posaient et voir que les questions essentielles étaient ailleurs. Par exemple, au départ, mon père s'interrogeait sur les danses. Il voulait recueillir des danses. Mais on ne rencontre pas des danses, on rencontre des gens qui dansent. Les hommes et les femmes ne dansent pas du tout pareil. Les jeunes et les vieux ne dansent pas pareil. Vous avez à l'intérieur d'un même endroit des gens de même âge qui ne dansent pas pareil non plus, etc. Pourquoi cette différence? Quelle société a façonné ce type-là de danseur? C'est la première chose importante pour lui, c'est que la danse est liée à une société. Solange Panis nous raconte l'histoire de son père, Pierre Panis, qui a commencé à collecter dans le Berry dès les années 30. Impliqué dans les mouvements d'œuvres laïques et les réseaux d'éducation populaire, il sera nommé formateur aux danses folkloriques à la Libération pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Moi, je sais que petite, quand il a collecté aux Grandes Poteries, parce qu'il avait trouvé là-bas des gens qui dansaient encore de tradition, j'assistais à tous ces moments-là, à toutes ces veillées. Des fois, je restais un petit peu trop tard et ma mère voyait pas que j'étais là, donc je me faufilais et elle me disait, mais t'es pas encore couché. Bon, mais ça m'a permis de regarder pendant plein de soirées des danseurs de tradition, avec tout ce que ça représentait. Ils fumaient, ils buvaient des coups, voilà, mais c'était très très riche. Et bon, 1949, c'était la fin d'une tradition, parce que dans les bals à cette époque-là, les gens dansaient évidemment la valse, le passo doble, même le cha-cha-cha, et même après, dans les années 60, le twist, mais ils gardaient toujours une place pour la bourrée, dansée surtout par les hommes, les femmes de moins en moins. Mais les femmes, le soir à la veillée, elles n'étaient pas au bistrot, hein. C'était à la maison avec les enfants, donc ça les concernait beaucoup moins. Puis les hommes dansaient, moi j'ai vu, je l'ai raconté souvent, j'ai quand même vu dans ce petit village, quand les hommes venaient faire ferrer les chevaux, il y avait un maréchal ferrant, ça s'entend, hein, quand un maréchal ferrant tape sur son enclume, ça s'entend de loin. Et le maréchal ferrant, il était également bistrotier et coiffeur. Donc la plupart des hommes venaient, on faisait ferrer le cheval, on se faisait couper les cheveux à l'occasion, on allait boire un coup, et après on allait danser la bourrée dans le bistrot. Parce que les autres se disaient « Ah tiens, il y a un machin qui fait ferrer son cheval, on va y aller. » Et ils dansaient une bourrée, ce qui est quand même... ça nous paraît étrange. Tiens, nous, on ne va pas faire danser la bourrée quand on va faire changer nos pneus, par exemple. Mais ces occasions de danse très spontanées, pour nous, c'est quand même quelque chose d'étrange. Hein. Et à ce moment-là, c'était encore vivant. Et votre père, il parlait de musique et danse traditionnelle, musique et danse populaire. Quel était le terme qu'il utilisait? Le folklore? Lui parlait de danse folklorique. C'était pratique, le folklore comme mot, quand même. C'est bien, ça. Simplement, ça a servi à tout et à n'importe quoi. Donc, nous, on veut surtout plus l'employer parce que maintenant, quand on parle de folklore, on a une image arrêtée. On a la carte postale, on a la caricature. Pour lui, il n'en était pas arrivé là. Pour lui, il enseignait la danse folklorique et le folklore. Pour lui, c'était vraiment ça. C'était vraiment la science du peuple. C'est-à-dire, c'était vraiment la culture populaire. Transmise par les gens de génération en génération. Il n'y voyait pas ce qu'on voit maintenant. Ce qu'on voit maintenant qui est un défilé de majorettes, on dit c'est folklorique, ou pour parler de n'importe quoi, on dit c'est folklore. Donc nous, on n'ose plus utiliser ça, vraiment. Mais parce que ça représente, oui, quelque chose de caricatural. C'est comme ça, Santa Outre-mer, la Clairefontaine aussi. Comment est-ce que ça se sent? À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. Lui, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Est-ce que vous l'avez apprise ici, aux îles, ou si vous l'avez apprise à la radio? C'est la Clairefontaine, là, ça c'est le même aux îles depuis toujours. Comme vous la chantez là? Oui. Comme vous venez de la chanter là? C'est là que j'ai chanté la première? Non, celle que vous venez de chanter là. Enfin, celle que j'ai chantée là. À la Clairefontaine, m'en allant promener, ça c'est vieux comme les îles. Non, mais vous l'avez apprise où? Toute la famille s'est comptée même à quoi oublier. Cet art populaire, cette toujours-été. Une chanson ne naît pas folklorique. La Clairefontaine n'a pas un auteur. Si on cherche l'auteur de la Clairefontaine, on trouve un monsieur qui a écrit une chanson qui s'appelle « La grande différence de l'amour à Bacchus ». Nous, au XXe, avant Quaro, on en était à toute chanson, à toujours une date, une patrie, un auteur. On cherche quel est l'auteur anonyme de la Clairefontaine. Et c'est là qu'on vous dit, mais de quelle version de la Clairefontaine? S'il n'en a écrit qu'une, d'où viennent les autres? La grande différence de l'amour à Bacchus, la sais-tu? À Bacchus remplit la panse, et l'amour plus gentil, plus poli, remplit celle d'autrui. Voilà, ça a un tube, et aussitôt ça sert de timbre, on met d'autres paroles. Et ça donne... Toute la nuit je rôde, ou bien ça donne « Où fuyez-vous, bergère ?» Et ça donne, et ça tube immédiatement au Théâtre de la Foire à Paris. « Sur les bords de la Seine, me suis lavé les pieds. Sur la branche d'un chêne, le rossignol chantait. » Que ne m'a-t-on donné, celui que j'ai tant aimé? Chanteur, rossignol, chante, si tu as le cœur gai. Le mien n'est pas de même, mon ami m'a quitté. Je ne lui ai fait chose qui ait pu le fâcher. Fort un bouton de rose que je lui refusais. Au milieu de la rose, mon cœur est enchaîné. N'y a serrurier en France qui puisse le délivrer, hormis celui que j'aime qui en a pris la clé. C'est déjà la Clairefontaine. Et la mélodie, fout le camp au Québec à cette époque-là. Or, c'est au Québec qu'on recueille. À la Clairefontaine, m'en allant promener, sur les bords de la Seine, me suis lavé les pieds. C'est la branche du chêne, le rossignol chantait. Sur la branche du chêne, le rossignol chantait. Très proche. Que ne m'a-t-on donné, celui que j'ai tant aimé? Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Qui est un chef-d'œuvre. À mon avis, je trouve ça un chef-d'œuvre, la Clairefontaine. Il y a longtemps que je t'aime, jamais ne t'oublierai. Enfin bref, Coirot montre, selon toute vraisemblance, en donnant tous les documents, comment une chanson fabriquée par un auteur échappe aussitôt à l'auteur, parce qu'elle sert de fabrication sur timbre, comme on dit, la mélodie sert à d'autres paroles, et puis ensuite arrive une version qui tube avec un certain type de paroles et qui va se répandre partout, et on arrive à des chansons totalement différentes, qui n'ont plus rien à voir avec ça, et qui chantent toutes la Clairefontaine. Ça, c'est Coirot, ça. C'est une bombe, ça. C'est génial. Et c'est le seul qui a fait avancer la connaissance sur la chanson traditionnelle. Les autres ont dit que des conneries. Les parcours du chercheur Jean-Michel Guilcher en Bretagne et du collecteur Pierre Panis dans le Berry sont significatifs. Leur sensibilité au folklore est forgée par cette période du Front populaire. Cet élan trouvera sa traduction après-guerre dans les réseaux d'éducation populaire, comme les CMEA, les scouts laïcs, les colos. Pour eux, l'enquête de terrain et l'analyse des données recueillies coexistent avec un souci de transmission et de formation. À rebours des conceptions essentialisantes, c'est la dimension sociale et éducative qui est mise en avant. Le folklore n'est pas considéré comme un retour à une identité perdue, mais plutôt comme un outil pour initier les gens à un art collectif et à des œuvres ouvertes, c'est-à-dire non définitives, qui circulent et se transforment dans l'oralité. Mais revenons aux années 30, où le Front populaire amorce aussi une reconnaissance institutionnelle des arts et traditions populaires. Il y a chez donc les grandes figures du Front populaire aucune réticence à l'égard du folklore. C'est un mot qui est relativement ancien, puisqu'il a été forgé au XIXe siècle, et qui, dans ces années 30, tend à s'imposer à la fois pour désigner les formes de la culture populaire, qui peuvent être d'ailleurs très matérielles. Hein. C'est l'époque où on commence à vanter la beauté des poteries traditionnelles, des tissus, des coiffes, etc., des meubles aussi, bien entendu. Mais ça désigne aussi les contes, les chants, toutes ces formes de création artistique. Donc c'est ça d'une part le folklore, mais c'est aussi une science. Ce sont les années où, sur le modèle d'ailleurs de ce qui s'est développé plus précocement dans les pays d'Europe centrale et en Scandinavie aussi, hein, dans l'Europe du Nord, on a le souci, l'ambition et enfin la conviction que le folklore peut devenir une science. Et parmi des personnalités intellectuelles proches du Front populaire, il y a un véritable intérêt en effet pour le folklore. Et donc la volonté de développer une diffusion de sa connaissance et de son étude, soit par des activités très grand public tournées vers la jeunesse, soit vers des réalisations muséographiques. Et c'est un peu comme ça que naît le projet du Musée des Arts et Traditions Populaires, porté par quelqu'un qui est effectivement très très proche de beaucoup de responsables du Front populaire et qui est Georges-Henri Rivière. Il est beaucoup question depuis quelque temps de la création en France d'un musée du folklore français. Monsieur le conservateur en chef, vous êtes à la base de cette initiative. Pourquoi justement une telle idée est-elle en l'air? C'était une chose singulière, car la France avait le musée de l'homme, c'est-à-dire ce temple de l'homme qui a été imaginé par le professeur Paul Rivet de mortelle mémoire parmi nous, n'est-ce pas, pour illustrer les cultures de tous les peuples du monde. Et au milieu de toutes ces cultures de tous les peuples du monde, il y avait un énorme trou, un océanonox en mugissement qui était l'ethnologie de la France, la société française traditionnelle. Et petit à petit, nous sommes quand même arrivés en un peu plus d'un quart de siècle à édifier cette institution. Eh bien, nous aurons pu, grâce à cette action du Musée des Arts et Traditions Populaires et de son Centre d'Ethnologie Française, apporter ce témoignage de la société traditionnelle, considérée non pas d'une manière statique, mais dans son développement, dans toute sa variété, et aussi dans son raccord au monde moderne. Car ne l'oublions pas, la société industrielle a aussi son folklore. Et n'oublions pas le jazz et toutes les manifestations modernes, enfin tout ce qui fait que la jeunesse vit aussi quelque chose de différent et qui finalement, malgré tout, se relie à l'homme, car l'homme traditionnel et l'homme industriel, c'est le même et c'est ce que nous voudrions montrer dans notre musée et dans notre centre d'ethnologie de la France. Le discours sur la fin de la tradition, la disparition des pratiques, il est, je dirais, vieux comme l'intérêt des milieux savants pour les cultures populaires. On le repère dès le début du 19e siècle. Et d'ailleurs, au début du 19e siècle, on met en cause la Révolution, évidemment, la Révolution française a tout cassé. Et donc, les traditions se sont perdues, il faut les sauver, il faut les revitaliser. Mais ce discours se transmet de génération en génération, et en effet, dans les années 30, il n'est pas moins fort qu'il ne l'était 50 ans avant. C'est une idée qui est suffisamment répandue pour devenir une idée reçue, admise, et qui va donc stimuler des actions. Mais le projet de musée des arts et traditions populaires, s'il s'impose assez facilement, et dans le contexte du Front populaire, c'est parce qu'on est vraiment convaincu que si on ne s'en occupe pas maintenant, 10 ans plus tard, il sera trop tard. Vous voulez un petit bout du pauvre laboureur, comme ça? Ça vous déboté. Solange Panis. Moi, c'est toujours voix du matin chagrin. Qui veut savoir la vie du pauvre laboureur? Au jour de sa naissance, il a ben du malheur. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, orage et contretemps, l'on voit toujours sans cesse le laboureur au champ. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, orage et contretemps, le pauvre laboureur, il a bien du malheur. Du jour de sa naissance, déjà malheureux. J'ai pas d'enregistrement de collectage parce que lui il l'avait collecté à près de la Châtre, mais j'ai des enregistrements de mon père, par contre, le chantant. Mais à l'époque où il a collecté ça, il n'avait pas encore les moyens d'enregistrer. C'est ça aussi, hein, il a enregistré à partir du moment où il a été justement instructeur jeunesse et sport, où il avait un magnétophone, où il pouvait, avant, il emmenait souvent avec lui un copain qui savait noter la musique, et puis voilà. Puis il se fie à sa mémoire, et on sait que la mémoire, c'est ce qu'il y a de moins fiable quand même chez les humains. Pendant la guerre de 39-45, donc, il enseignait déjà dans des mouvements laïcs pour des instituteurs. Il enseignait ce qu'il savait déjà et il collectait. Et puis, il avait rencontré Miss Pledge à Paris, cette dame qui enseignait la danse folklorique, mais dans un esprit aussi de, comment on peut dire, d'un enseignement qui est pas tant patrimonial que une danse qui est bonne pour aussi bien pour le corps, pour le travail psychomoteur, pour l'éveil des jeunes. Enfin, il y avait aussi cette idée-là quand même dans l'enseignement de Miss Pledge. Et ensuite, ils ont obtenu une subvention pour venir travailler et former des jeunes dans le Berry. Lui, l'important, c'était vraiment de former des animateurs. Former des animateurs pour qu'après, ils puissent retransmettre et que les gens puissent utiliser cette danse, cette musique qui lui le passionnait de façon collective et que ça soit vivant, quoi, que ce soit pas quelque chose qui meurt. Il était quand même à la fois dans le mouvement d'éducation populaire, ça c'est clair, mais aussi très préoccupé par le maintien de ce répertoire, par la vie de ce répertoire. Alors Alain Clairefontaine, par contre, vous l'avez toujours entendu chanter? Ah oui, ça c'est vieux, vous êtes, ça. Et pourquoi est-ce que vous avez pensé à Alain Clairefontaine avec celle-là? parce que les mots sont les mêmes dans différents. Beignet, puis vous trouvez si les belles, monsieur Beignet, il y a d'autres chansons qui se rapportent à ça. Mais vous croyez que c'est la même chanson ou c'est deux différentes? C'est la même. Là, le début est peut-être pour un pareil, mais ça, ça revient. François Ganneau. L'une des théories de Jean-Henri Rivière, c'est que il faut développer des musées de société qui doivent être des musées laboratoires. Et effectivement, son souci est que le musée des arts et traditions populaires soit un peu exemplaire de ces musées laboratoires qu'il veut créer. Et c'est la raison pour laquelle, d'une part, pour que son musée soit pleinement culturel, il va solliciter son rattachement aux beaux-arts, mais pour qu'il y ait aussi une dimension scientifique affirmée et développée, il va demander au Centre national de la recherche scientifique qui se crée dans les mêmes années, hein, le CNRS est créé en 1937-38, il va demander qu'on lui affecte du personnel CNRS. Et dès le début, en fait, son musée va démarrer avec des chercheurs CNRS. Oh, ballo, ballo, le tué pour rien, yo, une troupelle de guserats. Déguisera ses lois d'autrefois. Hola, hola, hola, condigiami. Alors, ils écoutaient ça et ils s'endormaient comme des anges. C'était une berceuse que vous leur chantiez. C'était une petite berceuse, mais je ne sais pas chanter. Moi, je n'ai jamais chanté de ma vie. Je leur disais ça. Mais ils aimaient mieux ça qu'autre chose. Oui, oui. Allez, maman. Quanto non lo conte della giochetta, quanto non ci copri dos, mi siete andormi, non mi laissez pas finir, mi siete andormi, e mi siete tranquille. Pour s'occuper de la musique et un peu de la danse dans son établissement, Jean-Henri Rivière recrute à partir de 1941 une jeune femme qui s'appelle Claudie Marcel Dubois. Claudie Marcel Dubois, c'est une musicienne au départ, une pianiste. Et donc, Rivière réussit à en faire une collaboratrice CNRS durable de son musée à partir de 1941. Et Claudie Marcel Dubois a des ambitions scientifiques extrêmement élevées. Très tôt, à peine plus de 20 ans, elle écrit qu'il faut arrêter de ne prendre en considération dans les études du folklore musical la seule chanson. Pour elle, les sonnailles des troupeaux, les crécelles des gamins lors des quêtes de Pâques, c'est certainement pas la musique au sens académique du terme, mais ce sont des manifestations sonores qui frôlent la musique et qu'elle va qualifier de paramusicale. Son souci à elle, ça n'est pas la diffusion, la valorisation, certainement pas l'éducation populaire. C'est pas ça son souci. Ce qu'elle veut faire, c'est démontrer que ces pratiques musicales populaires et ces phénomènes sonores observables, notamment en milieu rural, sont des objets dignes de science, où on va pouvoir dégager des lois. Il faut faire science, en fait. Quand on veut faire science, on ne peut pas en même temps s'occuper d'action culturelle ou d'éducation populaire. Mon père a enregistré comme ça des mecs. Ils avaient chanté un soir, quand on a discuté, de Yvon Guilcher. Ils avaient mis des paroles dessus, puis la chanson avait un peu bougé. Et le lendemain, mon père leur demande s'ils veulent bien leur chanter, mais sans mettre de paroles. Parce que moins il y a de paroles, plus ça bouge. Et les mecs ont chanté pendant une demi-heure. Et mon père a enregistré. Et quand on arrive à la fin, les chanteurs d'abord ont monté de 4 tons. Ça, ils sont incapables de rester. Mais le tempo ne bouge pas. Mais surtout, la mélodie n'avait plus rien à voir avec la première. Alors mon père va faire entendre cet enregistrement au musée de l'homme. Il avait enregistré d'abord des chanteurs de Canada Discord. Et alors il, en 49, il avait un métophone à fil. Il leur dit, à votre avis, où est-ce que j'ai enregistré ça? Alors les mecs écoutent ça. En Afrique, de toute évidence maintenant. Ou en Afrique, je ne sais pas. Et puis mon père leur fait entendre le chant à deux sur une demi-heure sans parole. Alors les chercheurs, non, vous vous êtes fait avoir. vous êtes fait avoir. C'est pas le même air. Ils vous ont enchaîné des airs différents, vous êtes fait avoir. Jacques Chaillé, tout ça, enfin les grands musicologues. Mon père revient, il va revoir les informateurs. Et leur demande, est-ce que c'est le même air? Ah, c'est le même air, oui. Alors mon père a été voir Catherine Guern, chanteuse célèbre, analphabète totale, qui ne disait pas un mot de français. Mais elle était née en 1874. Elle avait donc eu 20 ans au 19e siècle. Elle avait une réputation pour l'improvisation dans le chant. Lancer sa voix à cheminer, stabiliser les choses et les transformer tout le temps, sans s'en rendre compte. Alors mon père lui fait entendre cet enregistrement de deux chanteurs qu'elle ne connaissait pas. Et lui dit, à votre avis, c'est le même ton ? Ah, mais me stonne auto de peine de ben, hein ? Oui, c'est le même ton d'un bout à l'autre, dit la vieille. C'est le même air. Oui, mais c'est pas la même chose. Oui, mais c'est le même air quand même, quoi, c'est le même air. Le souci de Rivière, et probablement sa peur, sa crainte, c'est que la guerre, et puis l'occupation allemande, scellent la fin prématurée de l'institution à la création de laquelle il a vraiment dédié son existence. Pour lui, c'est l'œuvre de sa vie, la création du Musée des Arts et Traditions Populaires. Or, à peine l'aventure commence, qu'il a la crainte que tout s'arrête. Donc, Rivière compose, et il compose, je dirais, d'autant plus facilement que, en effet, le gouvernement de Vichy, l'État français, joue à fond de la fibre ruraliste, folklore paysan, etc. Et que on peut, je pense, parler d'un certain populisme du gouvernement de Vichy. Et le populisme, à l'époque, dans une France qui est encore très très largement rurale, il va s'appuyer d'autant plus facilement sur la paysannerie, ou paysannerie fantasmée, mais paysannerie quand même, que évidemment, il se sait moins bien vu de la classe ouvrière qui vote à l'époque très majoritairement pour le Parti communiste. Donc, s'appuyer sur les masses paysannes supposées acquises et soumises, c'est un choix qui va de soi, en quelque sorte, pour Vichy. Et donc, bien sûr, le Musée des Arts et Traditions Populaires se trouve, en quelque sorte, enrôlé dans cette promotion du folklore comme, pour reprendre la formulation de l'historien Christian Faure, projet culturel de Vichy. Tout ceci paraît aller de soi. Des romances sans parole. En pratique, c'est quand même plus compliqué. C'est-à-dire que dans les grands rassemblements organisés par la propagande du maréchal Pétain, on ne voit pas Rivière. Son musée ne programme pas des expositions qui soient ouvertement ruralistes au mauvais sens du terme. Lui-même ne devient pas une des plumes de la presse collaborationniste ou vichyssoise. Hein. Mais il n'est évidemment pas dans le désaveu, dans la critique frontale, tout simplement parce qu'il veut que son musée traverse la guerre et ne succombe pas. On peut parler d'un opportunisme institutionnel de la part de Rivière. Et donc, il a fait ce qu'il jugeait devoir faire pour que ça aboutisse. Et de fait, ça a marché. Mais il n'empêche que sa réputation en a été entachée, et elle en a été entachée durablement. Sur le folklore, le discours de Vichy sur le folklore est un discours bidon, totalement bidon. Mais mon père n'était pas encore capable de le voir totalement. C'était l'idée que tout ça, d'accord, remonte à la préhistoire. On était toujours là-dedans. Mais la paysannerie a su conserver les vertus ancestrales contre les dégradations et les démissions du monde moderne. Et c'est donc auprès du peuple qu'il faut aller chercher le travail, la famille et la patrie et les valeurs, quoi. C'était ça, le discours ambiant. Mon père n'était pas là-dedans, mais enfin... Mais c'est surtout des phénomènes autres qu'on est en train de susciter sous Vichy et qui sont notamment les grandes fêtes des laboureurs, où on soudoie des paysans pour organiser une grande fête qui simule la vie traditionnelle bien vivante. Alors, il faut trouver un rouet, il faut qu'il y ait une vieille qui file au rouet. Personne file au rouet. On va chercher dans les musées, on cherche un rouet, il faut le réparer, alors on le répare très vite. Puis on cherche des chansons, mais on n'en connaît pas. On n'a pas fait d'enquête, on n'a pas fait de collecte. Alors on chante « J'ai deux grands bœufs dans mon étable » de Dupont, et puis on chante « Les blés d'or ». C'est ça les grandes fêtes de Pétain. Et c'est censé nous montrer combien la tradition est bien vivante. « Tout le monde était d'accord au moment du Front populaire pour dire que le folklore, c'était fini. C'était terminé. C'était des choses anciennes qui remontaient au paléolithique, très vraisemblablement. Mais enfin, c'était fini. Et nous, ce qu'on faisait, c'était autre chose. C'est aujourd'hui que le revivalisme dit « Nous avons maintenu la tradition bien vivante, nous la maintenons bien vivante, etc. » À l'époque, pas du tout. Personne n'en a l'illusion de maintenir bien vivant quelque chose. Non, nous sommes des bourgeois, ou des ouvriers, ou des artisans, ou des étudiants qui nous intéressons à des répertoires et qui les faisons vivre. Mais la tradition populaire, elle est morte depuis longtemps, tout le monde en est conscient. Depuis le néolithique, vraisemblablement. Hein? Non, c'était ça le... Il y a effectivement eu une sorte de compromission idéologique du mouvement folklorique dans son ensemble durant ces années-là. Et ça explique que, à la Libération, on ne puisse plus, en France, employer le terme de folklore pour désigner une science. Ça ne désigne plus que des formes culturelles, qu'elles soient musicales, chorégraphiques, plastiques, mais le folklore comme science, en France, s'est déshonoré pendant l'occupation. Et c'est pourquoi, à partir de 45-46, on ne parle plus que d'ethnographie, puis bientôt d'ethnologie, éventuellement folklorique, et de moins en moins folklorique à dire. Donc c'est, et ça, c'est vraiment une histoire très française. Il y a beaucoup de pays d'Europe où le terme de folklore continue encore aujourd'hui d'être employé. Au Canada, il en va de même. On peut dire que Marie-Barbara Le Gonidec, dans les premiers mois où je rentrais dans mon bureau, qui avait été celui de Claudie Marcel Dubois, puis de Maggie Pichonnet-Andral, les deux fondatrices de l'ethnomusicologie et de la France, donc dans ce musée, j'étais extrêmement émue parce que pour moi, c'est vraiment un patrimoine extraordinaire que, dont on a la charge. On a pu évaluer à peu près 80 000 phonogrammes, items. Au début, c'est sur le disque à gravure directe, donc c'est 3 minutes maximum la durée d'un disque. Après, dans les années 50, 52, je crois, quand on a les bandes magnétiques, on a déjà un peu plus de possibilités de faire durer les entretiens comme on veut. On peut avoir des bandes qui vont faire 20 minutes. Mais les techniques, surtout donc de ces deux personnes, de ces deux femmes, Claudie Marcel Dubois et Maggie Andral, qui ont effectué l'essentiel de ces enquêtes en France, c'était dès qu'elles posaient une question, elles avaient une réponse, paf, elles appuyaient sur le bouton stop du magnétophone. Et donc, sur la bande qui pouvait durer 20 minutes, il y avait un découpage. C'est un fond d'ethnomusicologie, essentiellement, mais aussi, effectivement, des voix. Donc, c'est le domaine, essentiellement, de l'ethnomusicologie, mais des traditions populaires et de l'oralité, de la parole. Claudie Marcel Dubois commence en 39, fin 45 arrive Marie-Marguerite Pichonnet-Andral, plus connue sous le nom de Maggie Andral, qui va faire la première enquête de terrain avec Claudie Marcel Dubois en 46. Et ensuite, elles travailleront ensemble jusqu'au milieu des années 80. Et elles ont couvert presque l'ensemble de la métropole. Et à partir des années 70, elles partent dans les Outre-mer, aux Antilles, sur l'île de la Réunion, puisqu'à partir des années 70, donc il y a le mouvement folk qui arrive, le revival, et qu'elles pensent que les musiques paysannes vont complètement disparaître. Elles ont collecté un peu partout, donc elles vont un peu voir ailleurs. Donc entre 39 et 84, plus précisément je crois, en Bretagne elles sont retournées, sur l'Aubrac, le plateau de l'Aubrac, le Pays Basque, la Bourgogne, aussi le nord de la France. En Alsace, elles ne sont pas allées. En Corse, elles ne sont pas allées. Mais en Provence aussi. Donc voilà. Alors, de l'enquête de Haute-Loire. Catherine Perrier, chanteuse. La chanson qui m'impressionne. Spécialiste des chants de tradition orale. C'est Marion se promène. C'est une histoire qu'on trouve absolument dans toute la francophonie, vraiment très très très très répandue. Mais elle est chantée là en chant de plein air par un monsieur qui était né en 1865, du nom de Pierre Soulier, et qui a été enregistré ici en 1946. Et cet homme qui chante, avec une voix très endommagée, mais avec une voix très aiguë et très lancée, qui détonne quelquefois, c'est à la limite du cri. Moi, je trouvais ça terriblement impressionnant et beau et à imaginer, justement, dans une solitude pastorale de montagne, parce que c'est dans le Velay. Oui, c'est enregistré près de Retournac. Marion se promène, c'est peut-être la chanson dont je sais le plus de versions différentes, avec la Claire Fontaine et puis quelques autres. Mais elle raconte toujours la même chose. Alors, ce qui change, c'est les mélodies, les rythmes, les usages. Donc, Marion se promène, Marion ou Isabeau se promène, tout le long de la mer, aperçoit une barque, 30 mariniers dedans. Le plus jeune des 30 chantait une chanson. La chanson que tu chantes, je voudrais la savoir. Montez dans notre barque, nous vous la prendrons. Elle ne fut pas dans la barque qu'elle s'est mise à pleurer. Qu'avez-vous donc, la belle, qu'avez-vous à pleurer? Je pleure mon avantage, mon pucelage, ou mon cœur volage, c'est joli aussi. Que vous allez m'ôter. Pleurez donc pas, la belle, nous vous le rendrons. C'est pas une chose à rendre comme de l'argent prêté. La mélodie se perd et ressemble davantage à un cri sur un seul ton, quoi, détimbré, quoi. Il y a plus tellement un caractère mélodique. C'est curieux, c'est un peu rude. Et en même temps, je trouve que c'est très beau. Voilà. Oui, c'est parce que ça baisse. J'avais tendance à le monter parce qu'au bout de 3-4 couplets, le son baisse. Voilà. L'autre chanson qui me touche beaucoup, c'est de l'enquête à Noirmoutier en 1956, alors de Claudie Marcel Dubois et de Maggie Andral. C'est une très, très jolie chanteuse qui s'appelle Florestine, je ne sais plus, Palvado, et qui chante une chanson extrêmement rare. J'ai même cru que c'était unique. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle est vraiment très, très ancienne et très curieuse comme imagerie. C'est mystérieux et j'aime bien ces éléments de mystère. Quelquefois, les gens qui écoutent ces chansons tiennent absolument à rétablir des logiques implacables. Mais moi, j'aime bien ce vague qu'il y a. Ce vague avec quelquefois des précisions étonnantes. Là, il s'agit d'un cheval qui fait de la poudre de ses quatre fers tellement il va vite et il est énergique. C'est l'élément identifiant de la chanson, mais en même temps, ça ne raconte pas ça du tout. Ça, c'est une rencontre, c'est une espèce de rencontre, de dialogue. Voilà. C'est aussi cette étrangeté qui me plaît. Donc c'est celle qu'on va entendre. Me rendant ma ceinture tout bellement sur la verdure. Si elle est en argent, tout bellement, mon tout bellement, elle me sera rendue tout bellement sur la verdure. Mais comme elle est en or, tout bellement, mon tout bellement, pour moi sera perdu tout bel amant sur la verdure. Après la compromission du musée avec l'idéologie vichysoise de l'occupation, il fallait évidemment que le musée se rachète un brevet de vertu républicaine. Et donc, la musique et la danse qui avaient été les instruments les plus spectaculaires de cette appropriation du folklore par Vichy étaient donc les plus menacés d'être perçus comme tels après, et qu'il fallait donc ne donner aucune prise à ce type de critique. Et c'est aussi, je pense, pourquoi Claudie Marcel Dubois s'est tellement tenue à l'écart des coups folkloriques dès la Libération. Et ensuite, quand les folkeux sont arrivés, je pense qu'elle les a perçus comme une sorte de succès d'année de ce qu'elle avait connu dans les années 40 et qu'elle ne voulait absolument pas reconnaître à nouveau. Ses collectes étaient bouclées, c'est-à-dire qu'on n'y avait pas accès officiellement. Solange Panis. Moi, j'avais une copie, c'était tout à fait sous le manteau. Et puis, nous avions rencontré Willy Soulet et moi-même, Maggie Pichonnet-Andral, qui était en retraite, mais qui venait encore. Et on avait commencé à parler de publier ses collectes et commencer à... C'était tout de suite, non, là je ne vous suivrai pas, mon petit garçon, parce qu'elle l'appelait mon petit garçon, je ne vous suivrai pas sur ce terrain-là, les associations, ça n'est pas sérieux, non, ça n'est pas possible. Donc, on a attendu. Vous avez compris ce genre de réaction? Ben non, on l'a pas comprise, bien sûr, parce que c'était, même si moi j'étais habituée à ce que les collecteurs aient une espèce de mal à lâcher leur enfant, leur bébé, j'étais habituée à voir ça, mais à ce point-là, avec des collectes d'État et dans un établissement public, le MNATP c'était public, j'avais du mal à comprendre, vraiment. Oui. Et comme tout le monde et comme tous les folkeux, ça nous mettait en rage, et tout le monde était très en colère contre ces deux dames qui avaient fait un énorme travail mais qui ne voulaient pas le lâcher. Donc il y avait cette espèce de tour d'ivoire de la phonothèque. Donc on critique le MNATP, mais il faut pas critiquer le musée, faut critiquer la phonothèque qui restait qui se sentait propriétaire de ce fonds. Enfin, ça a été une bonne chose finalement, parce que comme les portes de la phonothèque étaient fermées, ces jeunes du Revival, ils se sont dit, on part avec notre cassettophone, ça coûte cher à acheter, mais on va investir dans cet achat. On va partir sur le terrain nous-mêmes, et puis on va enregistrer les anciens, et puis on va se créer un répertoire. Voilà, donc grâce à cause d'elle, il y a eu toutes ces associations qui se sont mises en place. Alors la Bretagne n'est pas la première, mais je sais que c'est une des plus anciennes, en 72, donc la création d'Astum. Et ils ont constitué un patrimoine extraordinaire lui aussi. Donc aujourd'hui, entre les ATP et ce qu'il y a par exemple à Dastum, on a une large représentation, une bonne représentation des musiques traditionnelles de Bretagne par exemple. Et c'est valable aussi pour les autres régions. Je ne vais pas faire de longs discours sur la culture paysanne, parce qu'il y a des gens qui savent le faire beaucoup mieux que moi. Mais je suis quand même fascinée par ces cultures-là, par ces cultures de gens qui avaient une mémoire et une espèce de corpus énorme de chants, de danse, de tradition, sans avoir jamais su lire ni écrire. Ça, je suis fascinée par ça. Et puis maintenant, pour moi, ça représente, et quand je vois comment ça évolue, je me dis que les gens sont en train de se réapproprier justement une pratique collective, une pratique qu'on peut partager. Parce que dans un baltrad, vous rencontrez des gens, vous pouvez parler parce que la musique n'est pas à fond, vous pouvez discuter même de choses super importantes, vous dansez avec des gens que vous ne connaissez pas, vous les touchez. Et il me semble qu'il y a dans ces pratiques-là une autre relation humaine. Alors il y a la pratique artistique qui pour moi est essentielle, parce que j'aime ce répertoire, j'aime ces chansons qui racontent les mêmes choses tout le temps mais jamais de la même façon. Mais j'aime beaucoup la relation humaine que ça permet. C'était Musique populaire sous influence, du folklore à l'ethnologie, avec Yvon Guilcher, François Gano, Solange Panis, Marie-Barbara Le Gonidec, Catherine Perrier. Documentation, Marine Descances, Lina. Mixage, Julien Douminc. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Carvran. Remerciements à Marie-Barbara Le Gonidec et François Gano pour leurs recherches. Un documentaire de Péroline Barbet, réalisé par Nathalie Battus.